monsieur. Bonjour, monsieur. Mon nom est Mario. Tant mieux, mon ami, tant mieux. Je vous dis ça pour le cas où vous auriez besoin de quelque chose. Merci. Je vous prends dans combien de temps? Pardon? Un quart d'heure, une demi-heure? Je comprends pas très bien. Je suis le masseur attaché à l'établissement. Ah bon? Je vois que monsieur n'est jamais venu ici. Hein? C'est un de mes amis qui m'a donné rendez-vous pour ma ligne. Il me trouve trop grand. Il m'a dit que ce serait très bon. Vous avez de la chance de tomber sur moi, vous allez vous régaler. Vous aurez perdu vos 2 kilos dans une demi-heure. 2 kilos? Ouais. Hein? Vous pensez à 8 heures du matin, la force que j'ai dans les bras, hein? Ouais. Allez-y doucement tout de même, parce que je suis pas entraîné. D'ailleurs, on ne s'entraîne pas à mon massage. Je suis trop fort. Ah. D'ailleurs, je sens que je vais me régaler avec vous. Ah oui? Oh là là. Vous avez une qualité de graisse. Comme on en trouve malheureusement pas assez. Hein. Vous me faites plaisir. Je vous ferai maigrir à vue d'œil. J'en demande pas tant. Mais vous. Oh, moi, ça joue plus. Hein. Ah, ça joue plus? Non. Et puis moi, je n'ai pas Mario pour me masser. Hein? Très juste. Quelle chaleur. Ah, ceci n'est rien. Il est encore trop tôt. Nous en reparlerons dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure, je serai tellement affaibli, je me demande si je pourrais encore parler. Bonjour, monsieur Rivière. Bonjour, Mario. Ah, te voilà tout de même, toi. Pourquoi es-tu en retard? Mais voilà, je sortais de chez Mova. Non, tu m'arrêtes si tu la connais. Non, parlons sérieusement. Ouais, je pouvais pas me réveiller, moi. Non. Le port du pagne est de rigueur, monsieur Rivière. Pourquoi pas celui de la cravate? Il y a des messieurs qui se sont plaints. Quoi? Oh, pas de vous en particulier. Non, j'espère bien. Ça m'aurait étonné, d'ailleurs. En tout cas, maintenant... C'est obligatoire. Il faudra bientôt prendre son bain de vapeur en tenue de soirée. Un passe rose. Alors t'as pas pu te réveiller? J'ai pas fermé l'œil de la nuit, moi. Pauvre vieux. C'est à cause de ma femme. Elle m'a fait le truc de la bouillotte. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est très simple. Elle attend que je sois endormi, elle débouche la bouillotte, elle me la verse sur le ventre. Je vous demande pardon, monsieur Rivière. Alors, elle te la verse sur le ventre? Oui. Après quoi, elle prétend que je l'ai ouverte en dormant, elle m'oblige à refaire le lit. Très curieux. La semaine dernière, c'était autre chose. Elle prétendait que je ronflais en dormant. Et alors? Alors, elle me réveillait tous les quarts d'heure en me disant que je l'empêchais de dormir. Très drôle. Ah, tu trouves? Ouais, enfin, je dis ça. Mais alors, elle ne dort donc jamais? Ben, c'est la journée. Pendant que je travaille, pendant que je lutte contre le sommeil au bureau, elle prend un repos réparateur. Ah ah. Non, mais c'est agaçant, ce type qui vous rigole dans le dos. Hein. Mais alors, si je comprends bien, elle s'occupe de toi surtout la nuit. La journée, tu es tranquille. Ah, mon pauvre vieux. À la journée aussi? Ah, mais c'est alors qu'elle se surpasse. Exemple. Exemple. Tiens, elle se promène jamais à pied, sauf quand j'ai mis mes chaussures neuves. Parce qu'elle est sûre que j'aurai les pieds en sang. Tiens, c'est insupportable. Oh, laisse-le donc rire. Tiens, un autre exemple. Que quelqu'un de sa famille meure, à Issoudun ou à Castelnaudary, elle télégraphie que je me ferai un plaisir d'y aller. J'ai fait comme ça le tour de la France derrière les corbillards. Au mieux. Ah tiens, ça le fait pas rire. Et puis c'est pas tout, hein. Ah bon? Rapproche-toi un peu. Elle aime pas faire l'amour avec moi. Ah non? Ah non. Mais tu sais ce qu'elle avait trouvé? J'ai pas assez d'imagination. Tous les matins, elle mettait dans mon café au lait une espèce de bromure qui me rendait incapable de commettre le péché originel. Oh. Alors moi, au bout de quelques temps, je m'inquiétais. Ouais, je comprends. Alors je suis allé trouver mon docteur qui m'a donné un remède de premier ordre. Ah. Je le recommande, entre parenthèses. C'est pas la peine. Moi, ça va. Non. Dans des pilules extraordinaires, hein. Ah. Moitié singe, moitié taureau. Ça, plus concentré de concentré. Non, il m'avait bien recommandé de n'en prendre que 2 par jour. Seulement, il y avait le bromure. En voyant que mon état ne s'améliorait pas, j'en ai pris 4. Oula. Et puis 6. Mais elle a dû avoir vendu quelque chose parce qu'elle a augmenté la dose. Oula. Ça devait lutter à l'intérieur. Je suis resté 2 mois au lit. Oui. Et qu'est-ce que t'en dis? Commence à avoir chaud. Oui, ben moi aussi, mais je suis bien content. Quand je sue, j'oublie. Plus je sue, plus j'oublie. Mais je veux oublier aussi. Pas oublier, quoi. Hein? Ta femme n'est pas mon type, mais elle est exquise. Elle est infiniment pire que la tienne. Ou la vanité va-t-elle se nicher? Oui, je sais bien, tes histoires de bouillotte et de corbillard sont des plaisanteries de camarades de collège ou de régiment. Ça va pas plus loin que le lit en portefeuille ou les boules puantes. J'y vois la preuve d'un caractère badin, rien de plus. Vraiment? Ma femme, elle, m'a dégoûté de tout ce que j'aimais. Ah oui, et comment ça? Elle a commencé par les pruneaux. J'avais eu la faiblesse de lui laisser entendre que j'adorais les pruneaux. Hein? Eh bien, pendant 4 ans, elle m'en a fait tous les jours, jusqu'à ce que je les haïsse. C'est amusant, ça. J'adorais ma famille, surtout mon frère et ma belle-sœur. Eh bien, nous les avons vus tous les jours, 3 fois par jour. C'est moi qui me suis brouillé avec eux pour être un peu tranquille. Allons bon. Oui. Elle m'a brouillé de la même façon, avec le cinéma, la belote boxée, l'apéritif et la musique de chambre. Ah bah tiens, c'est à ton tour de le distraire. T'as raison, il est un peu agaçant. Mais laisse-le donc rire. Puis ma femme, elle, là encore sa mère. Oh. Alors là, vraiment. Si encore elle m'était fidèle, mais pas du tout. Faut qu'elle me fasse cocu. Bah, tu es cocu? Bonjour, messieurs. Depuis 3 ans. Monsieur. Oh, mais c'est ce cher monsieur Charmaine. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Et la ravissante madame Charmaine? On ne peut mieux. Ah, permettez-moi de vous présenter mon ami Passerose. Vous êtes aussi un habitué du hammam, monsieur? Oh, un habitué, c'est beaucoup dire, mais je viens assez souvent à cause de ma femme. Ah, je comprends pas très bien. Oh, bah, jolie comme elle est, il faut que je sois dans ma meilleure forme. Ah oui? Ah, Mario, donc, je veux un grand complet. Hein. Débrouillez-vous, mais j'entends avoir perdu 500 grammes dans une heure. Enfin nécessaire. Faut que je sorte d'ici un autre homme. Entendu. Crevez s'il le faut, mais joli. Soyez tranquille. Alors? Alors, on commence tout de suite? Par la chambre chaude. Dites, vous feriez peut-être mieux de vous habituer progressivement. Il fait entre 60 et 80 degrés là-dedans. 80 degrés, c'est exactement ce qu'il me faut. Comme il vous plaira. Vous avez de jolis pieds, monsieur. Il est charmant. Oui. En général, on ne remarque pas mes pieds. Non, on n'a pas toujours l'occasion. Toi, tu vois, tu ne m'en as jamais parlé. Non, excuse-moi. Et il paraît que j'ai des pieds très rares. J'en suis pas plus fier pour ça, remarque bien. Mais je pourrais. J'ai ce qu'on appelle les pieds à la poulaine. À la poulaine? Oui. Et lui, il les a tout de suite remarqués. Ben oui, c'est un connaisseur. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ah ben, tout nu comme ça, on ne s'en rend pas compte, mais il est milliardaire. Ah oui. Dans ce costume, on est tous un peu pareils. Les moteurs Charmaine. C'est les moteurs, moi. Oui, enfin, assez parlé de lui. Parlons de toi. Hein? Alors, tu es cocu? Mais, depuis 3 ans. Alors, alors. Parfaitement. Oui, alors, quand tu as su, hein, tu as dû être très embêté. Oh, excessivement. Mais heureusement, d'un commun accord, Henriette et moi, nous avons décidé qu'il ne saurait rien. Oh, alors il ne se doute de rien? Ah, de rien. Tu as bien fait. Et Monestier, est-ce qu'il sait que tu sais? Oh non, penses-tu? Pauvre gosse, hein. Quel chagrin il aurait. Il est tellement inutile. Eh oui, mais ouais. Ma femme non plus ne se doute de rien. Oh! Il n'y a que moi. C'est tellement mieux comme ça. Ils sont bien assez punis. Tu crois? Mmh. Ah, nos femmes devraient bien penser à nous à ce moment-là. Pour que nous n'ayons pas à rougir de ceux qu'elles choisissent. Ah oui, le métier de cocu n'est pas au point. Non! Je vous demande pardon. Il m'a semblé entendre le mot cocu. En effet, oui. Vous parliez sans doute d'un de vos amis? Ben, oui. Eh ben, ne le plaignez pas. Hein. Surtout, ne le plaignez pas. Hein. Pourquoi? C'est sa faute. C'est sa très grande faute. Oh, mais pas du tout, justement. Ah, la mienne non plus. Quand on l'est, c'est toujours par sa faute. Oh, mais pardon. Allez, Mario, je veux du travail. Hein. Vous en aurez. Je vous trouve un peu catégorique. Pas du tout. Comme je dis toujours, on a les ennuis qu'on mérite. Dis-moi, quels ennuis tu as? Je te dirai qui tu es. Il m'agace. Les choses n'arrivent pas. Il y a toujours quelqu'un qui les fait arriver. Vous croyez? Mais on ne devient pas cocu, monsieur. On les donnait. C'est trop désagréable. Eh bien, tu vois, J'aime presque mieux ça. Mais les femmes ne demandent qu'à vous être fidèles, seulement il faut qu'elles puissent. Elles peuvent pas. Mais la plupart du temps, on les en empêche. Oui, les maris, bien entendu. Mais bien entendu. Oui, les amants n'y sont pour rien. Pour rien. Eh bien, tu vois, j'aime presque mieux ça. Hein? Mais non, si vous voulez qu'elles soient imprenables, faites-leur d'abord croire qu'elles sont des places fortes. Ça, c'est une idée. Si vous voulez qu'elles hésitent à se donner, faites-leur comprendre qu'elles sont des trésors. Oui, c'est pas bête. Mais je ne suis pas bête. Oui, non. J'ai beaucoup réfléchi sur la question. Ça se voit. Vous avez souvent entendu dire que les femmes sont des oiseaux. Oui, ah oui, oui, oui, oui. Alors, oui. Vous avez une petite cervelle. Mais elles ont des ailes aussi. Alors il faut leur parler de leurs ailes. Et vous croyez que c'est suffisant? C'est une image. Il faut leur faire comprendre que même si on essaie de les attraper, elles ont toujours la ressource de s'envoler. Ouais. Moi, je suis pas très convaincu par votre cours d'histoire naturelle. Moi non plus. Pourquoi vous n'aimez pas les femmes? J'aime mieux la pêche, mais j'aime bien les femmes aussi. Je serais curieux de connaître la petite amie de Mario. Hein. Elle vous plairait pas. Elle se sert pas assez de ses ailes. Ah non. Je l'appelle Serviette parce qu'elle est toujours sur les genoux de quelqu'un. Ah ça, il faut savoir choisir sa femme. Vous avez su choisir la vôtre? Je m'en vante. Je vais peut-être vous étonner, monsieur, mais je l'aurais deviné. Vraiment? Oui. Vous, vous êtes perspicace, autoritaire, imaginatif et tout de même un peu froid. Mais c'est vrai ça? Mais comment le savez-vous? Je n'ai qu'à lire. Où? Là. La fesse, c'est l'homme. C'est encore plus sûr que les lignes de la main. Non, vraiment? Oh, j'en ai peut-être vu plus de 5000. Pas deux semblables. On sert plutôt des empreintes digitales, mais mon système serait peut-être meilleur. Allons donc! Tenez, vous avez les triangulaires, les octogonales, les aérodynamiques, les empoires, les emporte-manteaux et les engouttes d'huile. Il y a les traditionnels et les arbitraires. Et puis, les agressives. Oui, oui, les agressives. Et les casse-noisettes. Et les presse-purées. Il y a celles aussi qu'on appelle Cain et Abel, parce qu'elles ont chacune leur personnalité. Il y a celles qu'on appelle Roméo et Juliette, parce qu'elles se complètent. Et alors là, le fin du fin, et c'est très rare, il y a celles qui ont la classe internationale. Les vôtres, par exemple. Elles ont la classe internationale. Ah, oui. Merci, Mario. Moi, c'est les pieds. Ah, oui. Et dites-moi, pour les femmes. Je les connais mal. Ici, j'ai dû me spécialiser. Mais j'ai un ami qui les pratique. Il paraît que c'est la bouteille à l'encre. On s'y perd. Bonjour. Ah, ben tiens, voilà Polo. Je sais pas ce que vous avez à vous mettre tout nu comme ça. Moi, je grelotte. Il fait pas qu'en 35 degrés. Seulement? Ah bah alors ça m'étonne plus. Alors toi, tu as passé ta nuit à boire. Comment le sais-tu? Bah, c'est visible. Oui, oh, il y avait une petite blonde qui me plaisait bien et à qui je plaisais pas trop. Alors je l'ai oubliée dans la boisson. Oui, oh, je sais bien que c'est pas très original, mais ça réussit quelquefois. Surtout avec des types comme moi qui ont pas l'habitude. C'est vrai, tu bois jamais? Jamais. Oh, cette nuit, je vous jure que je me suis rattrapé. À un moment donné, j'ai regardé sous la table... J'y étais. N'exagère pas. Vers les 5 heures du matin, j'avais presque complètement oublié. J'étais même content du chagrin qu'elle m'avait fait. Et ben, c'est à ce moment-là qu'elle m'est tombée dans les bras. Oh, qui est-ce? Je sais pas. Une blonde. Je l'adorais. Ah oui? Oh, elle a une conversation. Quand je suis resté 6 heures avec elle, je me rappelle de tout ce qu'elle m'a dit. Ah, la mémoire du cœur. Elle disait, ah non, ah non. Ah non! Ah non! Ah non! Ah non! Ah non! Oh bon Dieu! Elle dit très mal, oui. C'est dommage, hein? Je l'adorais. Où était-ce? Chez Serrurier. Albert? Non, pas Albert, son frère. Ah ouais. Lui aussi, il était amoureux de ma blonde. J'étais furieux. On a failli avoir une histoire. Oh! Ah oui, tu me connais, hein? Quand je suis furieux, je compte 20 avant de parler. Si l'homme est plus grand que moi, je compte 100. Ça s'est arrangé. Ah. Et, j'ai pas perdu complètement ma soirée. J'ai trouvé une idée de chapeau. Ah non? Pardon de me mêler à votre conversation sans vous avoir été présenté, mais le sens de votre dernière phrase m'échappe complètement. Ah, monsieur Lionel Charmaine, des moteurs Charmaine. Monsieur Polo Léonard, artiste en chapeau. Ah, vous fabriquez des chapeaux? Je les invente. Vous inventez des melons, par exemple? Oh, des melons, mais quelle horreur! Non, il invente des chapeaux de femme comme moi j'invente des robes. Comme mon ami invente des tissus. Ah! Voilà! Oh, voilà. Bon, ben, raconte-moi ton chapeau. Ah ben voilà, c'est une espèce de galette de mousseline avec un plissé sur le côté qui forme pas le délice. Ça oui, je l'ai déjà dit. Tu me montreras ça au magasin. Bon, bon, bon, comme tu voudras. Tiens, t'as de jolis pieds. Ah, ah. Eh ben c'est justement ce que je disais à monsieur tout à l'heure. Ah, le pied en fer de lance, c'est très rare. Je croyais que c'était à la poulaine. Mais en fer de lance, j'aime bien aussi. Tu sais, quand tu es arrivé, tu as interrompu une conversation des plus intéressantes. Ah oui, vraiment? Oui, monsieur Charmaine nous expliquait son point de vue sur les femmes. Oh là là là là là là là. Pourquoi dis-tu ça? C'est assommant. Dès que trois hommes sont ensemble, nus ou pas, il faut qu'ils s'occupent des femmes. Bah oui, que veux-tu? Vous pourriez parler d'autre chose. Mais nous n'essayons pas. Il y a tout de même autre chose dans la vie que les femmes. Ah oui? Ah oui, quoi? Hein? Eh ben, mais je sais pas, moi, je sais pas. Leur chapeau? Non, non. Non, mais enfin, il y a sûrement autre chose. Enfin, toi-même, de quoi as-tu parlé, sinon de ta blonde? Oui, mais moi, je suis un petit cerveau. Hein, quand on fait des chapeaux, c'est qu'on n'est pas une lumière. Il n'y a pas de son métier. Hein? Oui, au lieu de parler des femmes, je voudrais un jour avoir la chance de parler d'une femme. De ne parler que d'elle, de la rabâcher. Ah, ben c'est ce que je fais, moi. Je voudrais m'extasier sur ses petits gestes, ses petites manies. Mais c'est ce que je fais. Je voudrais raconter ses yeux de violette. Pourquoi de violette? Je sais pas, monsieur, je sais pas. Il me semble que ça m'amuserait. Ou en amande, non? Oui, oui, oui, aussi. Mais je voudrais surtout avoir envie de parler de ses yeux. Ça prouverait que je m'occupe de son âme. Ah, parce qu'en ce moment, tu ne t'occupes pas de leur âme. Ah, mais alors, pas du tout. C'est intéressant pourtant, l'âme des femmes. Intéressant. Ah. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Si, elle est courte. Oui, oui, elle est courte. Heureusement d'ailleurs, car elle est de moi. Ah, ben vous faites des chapeaux et des histoires. Oui. Voilà. Il était une fois un roi... Ah, c'est pas une histoire drôle? Non. Tant pis. Il était une fois un roi, très riche, très puissant et très malheureux, car il n'aimait personne. C'est toi le roi? Oui, laisse-moi parler, je t'en prie. Il avait toutes les femmes qu'il voulait. Alors, c'est pas toi? Oui, ben ça va bien. Alors, votre histoire commence bien, continuez. Il avait toutes les femmes qu'il voulait, mais il n'avait jamais ressenti l'amour. Or, dans le royaume de ce roi, vivait un savetier, très pauvre, très simple et très heureux, car il avait pour sa femme un amour si grand que c'était comme une légende. Alors un jour, le roi fit venir le savetier et lui proposa tout son or en échange de cet amour. Le savetier refusa, mais quand elle apprit ça, sa femme courut au château et ce fut elle qui vendit au roi tout l'amour que le savetier avait pour elle. Est-ce que tu es sceptique? Ouais. Oui, oui, je suis assez sceptique. Ah, j'ai tort. Les femmes sont tellement mieux qu'on croit. Mais nous leur demandons trop peu, beaucoup trop peu. Mais ben, ce qui me crève, c'est justement d'avoir si peu de choses à leur demander. Il faut exiger d'elles l'impossible. Ne me faites pas rigoler. Mais vous, le petit André, elles sont plus prêtes à se donner pour la vie que pour 15 jours. Oui, oui, oui, oui, vous croyez ça, oui. Oh. Et ils tournent vos moteurs? À votre âge, si peu d'illusions. Oui, ben j'ai quelques raisons, dites. Hein. C'est tout de même un peu triste. À mon âge, comme vous dites, eh ben j'ai pas connu l'amour. Mais attendez! Pourquoi attendre? Attendre quoi? Mais elles n'en veulent pas! Oh oui, bien sûr, elle ne vous demande pas l'impossible. Elle a un petit frisson, une petite émotion gentille. Tu exagères. Mais nous sommes tous des jouets pour elle, mon pauvre vieux. Des poupées dont on s'amuse quelques jours et puis qu'on jette ensuite. Tiens, t'es une poupée. Moi, tu... C'est le poupée. Bon, j'ai content de vous le dire. Ça, non, hein. Ah non, non, non, je n'accepterai pas. Ça serait trop facile. Mais alors quoi? Alors, à partir d'aujourd'hui, les femmes et moi, fini. Oh, oui, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? C'est tout. Et encore. Mais oui, mais oui. Tu es charmant. Sceptique, mais charmant. Oui, au fond, c'est peut-être dommage. Je sens en moi des possibilités infinies. Si bizarre que ça puisse paraître, je crois parfois être l'homme d'un seul amour. Oh, Mario! Mais on s'entend plus ici, alors. Oui, heureusement, d'ailleurs. Je devenais pas trop sentimental. Je dois être malade. Allez. Oh! Ah! Excusez-moi. Mais je... Oula. Excusez-moi, j'ai fait ça machinalement. Bon, ben, je vais essayer d'aller me réchauffer, hein. Allez, à tout à l'heure. Vous avez raison, il est charmant. Il sera un peu distrait, peut-être, mais charmant. Ah, c'est égal, il a une opinion des femmes. Il leur en veut de ne pas être assez bien. Mais c'est de son âge. Oh, vous n'êtes pas tellement plus vieux. Ah, j'ai quand même 35 ans. Oh, j'étais comme lui, d'ailleurs. J'avais vraiment besoin que les femmes restent des rêves, et puis ça m'a passé. Tiens, tiens. Ah, mais ça m'a passé. Après que j'ai eu de la chance, j'ai rencontré mon rêve. Et je l'ai épousée. Ah, bravo. Et pourtant, j'avais le choix, vous savez, forcément avec ma situation, mais non. Ah, j'ai pas hésité. J'ai choisi la meilleure et la plus belle. C'est vrai. Vous savez ce qu'il faudrait à votre ami? Eh bien, c'est une femme dans le genre de la mienne. En effet. D'abord, comme rêve, on ne fait pas mieux. Ouais. Quoi, vous ne trouvez pas que c'est un rêve? Ah, si, si, si. Mais si je ne craignais pas de vous vexer, je vous dirais qu'elle est quand même extrêmement appétissante. Oh, bah, bien entendu, elle a ça aussi, mais elle est surtout poétique. Ah. Ça vient peut-être de ce qu'elle n'est pas sensuelle. Ah, elle n'est pas... Oh, pas du tout. Bien, bien. Non, je vous l'ai dit, c'est la poésie même. Votre ami m'amusait tout à l'heure. Ah oui? Quand il regrettait de ne pouvoir parler des yeux d'une femme qu'il aimerait, moi je peux, pendant des heures. Parce que je m'occupe de son âme, comprenez-vous? Oui. Oh, les yeux de Colinette. Elle s'appelle Colinette? Non, Nicole, mais je l'appelle Colinette depuis qu'elle a 10 ans. Ah, c'est très joli, Colinette. Nous étions amis d'enfance. Et c'est une chance de plus parce qu'elle n'a jamais, connu quoi. Hein. Vous croyez que c'est une chance? Et remarquez le mérite que j'ai eu. Hein, parce que je la connaissais tellement, j'aurais très bien pu ne pas la reconnaître. Hein. C'est très joli ce que vous dites là. On grimpait aux arbres ensemble, elle me tirait des cheveux, elle me volait des billes. Et moi, un jour, j'ai découvert ses yeux. C'est ce que vous disiez. Et ça, les yeux de Colinette. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ils sont pères d'abord. Des yeux pères. Qui changent de couleur avec les heures. Ça me gêne pas. Ils sont tellement beaux. Des fois, je lui demande de les fermer parce que quand elle les rouvre, c'est un éblouissement, on les redécouvre. Et puis dans l'intervalle, ils ont changé de couleur. Oui, oh oui, oh oui, oh. Ah, vous pouvez rire. Je sais bien que je suis un peu ridicule et que je rabâche ma Colinette, comme disait votre ami, mais elle en vaut la peine. Oui, je sais, je la connais. Et puis alors, pour les petites manies, elle est exquise. Elle n'écrit jamais rien qu'avec son bâton de rouge, par exemple. Non, mais c'est... Elle ne ferait pas faire fortune à votre ami, vous savez, elle ne porte jamais de chapeau, même en hiver. Et alors? Elle n'a pas de montre parce qu'elle ne veut pas savoir l'heure. Ça, c'est pathétique, ce bonhomme tout rouge et tout nu qui nous parle de sa femme. Je ne trouve pas, non. Ah. J'aimerais bien la connaître. Oh, bah, ça, c'est bien facile. Alors, dites donc, Mario, vous avez féminité de ce mois-ci? Naturellement. Eh bien, page 26. Page 26, vous allez voir, il y a une photo d'elle dans sa nouvelle robe. Oh, dites donc, je suis furieux. Je suis furieux. Ils n'ont même pas mentionné son nom. Hein? Fois. Oh, non. Bah, c'est peut-être pas de leur faute, vous savez. Voilà. Jolie comme elle est, ils n'auront jamais pu croire que c'était une femme du monde. Ils l'auront prise pour un mannequin. Oh, elle est ravissante. Oui, hein. Oh. C'est vrai, ben une seconde, Mario, nous regardons ma femme. Si vous me permettez cette expression, ben mon vieux. N'est-ce pas? Oh. En plus, je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment, mais elle est terriblement féminine. Je ne vous fais pas dire. Elle a des petits côtés garçons manqués, oh. Elle est tordante. Mes compliments. Merci. Tenez, Mario, qu'est-ce que vous en pensez? C'est autre chose que serviette, hein? Oui, bon. Oui, ben merci. Elle me ferait réfléchir. Oui, bon, allez, continuez. Mais vous n'avez pas peur que cette merveille vous échappe? Et non, et c'est justement ce qu'il y a d'admirable. C'est que je suis absolument tranquille. Pourtant... Ah, moi, je ne suis pas de ces idiots qui se réveillent un bon matin, bafoués, bernés, trompés et ridicules. Ah, mais attends, je me soigne. Je viens ici tous les deux jours. Ah, je prends garde à la moindre chose. Regardez mes cheveux. Lequel? C'est drôle. Mais d'ailleurs, vous avez raison. C'est pourtant vrai que je les perds. Pourtant, si vous saviez ce que je fais pour les conserver. Mais si vous ne la gardez pas mieux que ça, hein? Oh, c'est amusant. Mais elle se garde, elle est droite et claire comme une épée. Heureusement. Ah non, j'ai confiance en elle. Et en moi. Vous ne la gâtez pas un peu avec toutes vos certitudes? Ça, s'il y en a un qui est sûr de ne pas être cocu, c'est bien moi. On n'est jamais sûr. En tout cas, je ne le serai pas longtemps. Ah non? Ah non, parce que pan-pan. Pan-pan? Ah, ça, je l'ai prévenu. Lui d'abord, elle ensuite. C'est gentil. Et moi après, peut-être. Mais oh, je suis bien tranquille. Comme je dis toujours, quand on est cocu, c'est qu'on l'a bien voulu. Allez, et maintenant, Martio, à la douche, hein. Et je veux une bonne douche, dure, cinglante et glacée. En sortant de là, faut que j'ai 2 ans de moins. Ça, je n'en peux plus, la rage m'étouffe. Allons, voyons. Non, mais en fait, il est entendu. Alors, il est jeune. Comment ça, c'est de ta faute, il n'a pas mal choisi le trou. Moi, c'est peut-être ma faute. Non, et si Emeline te rend ridicule avec molestie, c'est la mienne. Là, je sais pas. Ah, tandis que lui, il n'a rien à craindre. Il a une femme comme ci, comme ça, avec des yeux interchangeables. Ça, une femme tellement sublime. Et je parie qu'elle le trompe, cette merveille. Cette femme-là, certainement pas. Mais pourquoi pas? Mais regarde-la. Eh bien. Elle a 20 ans. Mais à 20 ans, Emeline m'avait déjà trompé. Oui, mais Emeline. Quoi, Emeline? Il t'a dit que sa femme était pas sensuelle. Ben lui, il fait peut-être le coup du grand mur. Oh, tu dis n'importe quoi. Tiens, je te parie 1000 francs. Sois pas bête. 1000 francs qu'elle l'a trompé ou qu'elle le trompera. Oh, tu m'agaces. Cette femme l'a jamais de la vie. 1000 francs. Tu m'énerves, tiens, entendu. Top là. T'as entendu. Mais comment saurons-nous? J'ai une idée. Camp Robert. Le beau Camp Robert? Il a eu toutes les femmes qu'il a voulu. Sauf deux. Oui, sauf deux, mais enfin, ça lui laisse quand même une sérieuse chance. Oh non, pas ton rôle. Tu as peur, hein? Non, pas du tout, mais il m'a rien fait, ce garçon-là. Je peux pas aller se faire mitrailler par le constructeur. Ils ont tous pas ceux qu'ils disent qu'ils font. Ah, il a été très net. Pampan. On peut pas être plus net. Oui, tu trembles pour tes 1000 francs. Oh, pas du tout. Mais il n'a aucune chance. Aucune chance, mais je veux la voir à ses genoux, ta Collinette. Oh. Hé, hey, monsieur Rivière. Oui. J'ai tout entendu. Je prends 500 francs avec vous sur Camp-Robert. Nouveau? Ancien. Oh, dites donc. Si vous avez entendu, alors lui aussi. Non, lui, il est sous la douche. Il faut d'ailleurs que je retourne l'arroser. Ah bon? Je suis comme vous, il m'agace. Allez, c'est entendu, hein? 500 francs sur Corrobert. C'est couru, perdu à 10 contre 1. Pas sûr. Je vais donner une leçon à ce constructeur. Ou en recevoir une. Ça, nous allons voir s'il peut injurier les cocus tranquillement. Il t'a pas injurié, il savait pas. 1000 francs, et je ne te tiendrai pas quitte. Oh. Combien de temps lui donnes-tu? 2 mois. Tu penses bien que si elle résiste 2 mois, elle résistera tout le temps. J'espère que quand Robert va s'entraîner. Faut d'abord qu'il soit d'accord. Non, ça, laisse-moi lui parler. Promets-moi de ne rien faire contre. T'as entendu, promis. J'ai confiance dans la petite Collinette. Comment peux-tu défendre les femmes après ce que la tienne t'a fait? Non, c'est très simple. J'aime encore Henriette. Hein? Toi, tu détestes Emeline. Peut-être. C'est toute la question. Bon, alors je téléphone à quand Robert. Tu vas lui proposer ça par téléphone? L'idée générale, oui. Mais je lui donnerai pas de détails. Ça, je suis tranquille. Hein. Quelle page déjà? Page 26. Dès qu'il l'aura vu, il en voudra. Ah, il en voudra. Ça. Allô? Quand Robert? Bonjour, ici Rivière. Oui. Alors, toujours beau, toujours fringant, toujours superbe, hein? Eh bien, tant mieux. Ben, dites-moi, mon vieux, figurez-vous que j'ai une amie ravissante qui voudrait bien faire votre connaissance. Quoi? Non, c'est pas possible, c'est... Non, écoutez, pour vous en donner une idée, lisez Féminité, page 26. Comment? Vous, le beau Camp Robert? Oui. Vous me décevez, hein? Non, ben, je n'insiste pas. Oui. Un de ces jours, tout de même. Alors? Bon, il est amoureux, fou, il veut pas entendre parler d'une autre femme. Ah, elle est bien bonne, tout de même. Oui. Oui, mais ça, si quand Robert nous craque dans les mains, alors là, je ne vois pas qui. Au fond, c'est pas très joli ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ah non. Ah non, c'est pas joli du tout. Comment, voilà une petite que j'embête pendant 5 heures de suite. Je lui répète que je suis fou d'elle. Elle résiste de toutes ses forces. Et quand elle cède... Uniquement parce qu'elle est épuisée, notez bien. Je viens faire le sceptique et le désabusé. Dire que les femmes sont ci et ça, et puis raconter des histoires de savetière. Je suis un joli menteur, hein. Oh, je suis pourri jusqu'à l'os, oui. Oh, jusqu'à l'os. Et tu vas pas pleurer, non? Oh, pleurer. Est-ce que les gens comme moi ont encore des larmes? Ma place, elle est dans le parc aux cerfs. Voilà où elle est, ma place. Mais tu confonds tout. Oh, ben, j'ai eu du cœur à un moment donné. Ah oui, ça, je me souviens très bien. On disait, ce qu'il y a de bien chez Polo, c'est qu'il a du cœur. Si on m'avait dit qu'un jour je deviendrais ce briseur de rêves, ce destructeur de foyers... Toi? Ah oui, parce qu'enfin, faut que j'ai eu la malice. Rien ne me prédestinait à ça. J'ai même pas de jolis pieds. Oh, ils sont pas mal. Voilà ce qu'elle a fait de moi, la vie. Un libertin, un roué, une planche pourrie. Ça y est, il est lancé. Oui. Bon, mais je vais réagir. Ah oui, ça, je vais réagir. À partir d'aujourd'hui, les femmes, je les respecte. On n'exagère pas tout de suite. Et pas seulement les vieilles, hein. Plus elles seront jolies, plus je les respecterai. Parfait, oui. Je vais commencer une vie de solitude et de recueillement. C'est entendu. D'ailleurs, faut que je pense à la collection d'été. C'est ça. Oh. Quoi? Oh. Ah oui, oui, c'est une jolie robe, j'aime bien le décolleté. Ah non, non, non, non, je te parle pas du décolleté. Oh. Oui, il faudrait un chapeau aérien, ta galette de mousseline. Ah non, non, non, non, ça c'est une robe pour une femme qui ne porte pas de chapeau. Tiens. Qui est-ce? Je ne sais pas. Comment tu te penses? Un mannequin quelconque. Un mannequin quelconque avec des yeux pareils, avec des mains pareilles, avec une bouche pareille. Si c'était pas un mannequin, on aurait mentionné son nom. Oh. Oui, oui, oui, oui, on est pas mal. Pas mal? Mais c'est le modèle d'un rêve. Le modèle d'un rêve? Tu dis des choses comme ça, toi? Hein? Au fond, je suis peut-être pas aussi gangréné que je le croyais. Ben voyons. Oh, mais cette femme-là, mais cette femme-là, mais c'est de la lumière en robe du soir. Ah, c'est de la lumière. C'est de la poésie bien habillée. Ah, c'est de la poésie. Ah. Oh, ben... son seul défaut, c'est presque d'être trop bien habillé. Tu trouves que c'est un défaut? Oh là là, ce que je donnerais pour voir sourire ses yeux, cette bouche remuée. Ah. Ah ouais. Mais alors, ce qui me plairait encore plus... c'est d'entendre sa voix. Elle doit avoir une voix claire, un peu perchée, avec des notes graves inattendues. Je l'entends d'ici. Oh. Ah oui, hein. Oh. Ah oui, oui, oui, tu te répètes. Bon, je le dirai jamais assez. Avec des yeux pareils, elle est sûrement pas mariée. Sûrement pas. Ah, rapule. Ah non, non, non, non, non, il ne faut pas qu'elle soit mariée. Ça, je ne le supporterai pas. À quoi là? Ah. Non, non, vous permettez une seconde? Je voudrais la regarder à tête reposée. Alors, t'as compris? Quoi, Polo? Mais Polo, oui! Ça, évidemment, évidemment, c'est pas qu'en Robert. Ah non, t'es pas qu'en Robert! Enfin, y a pas que la beauté, y a l'enthousiasme, c'est communicatif, l'enthousiasme. Oh, oh. Ben voilà, voilà! Allez, renonçons à ce pari, carrément. Mais jamais de la vie! La seule chose que je te demanderais peut-être, c'est une prolongation. Si tu me donnes 2 mois pour qu'en Robert, m'en faut au moins 3 pour Polo. T'as entendu? Une chose est certaine, mon Polo ne se découragera pas. Il l'aura à l'usure. Même à l'usure, je crois pas. Tu verras. Et tombe sur Rivière, ça va plus. Qu'est-ce qu'il va plus? Notre affaire, je viens prendre 500 francs sur Corrobert, mais sur Monsieur Polo, je peux pas faire plus de 250 balles. Quoi? Ah, t'es où la mal partie? Oh. En tout cas, tu as parié 1000 francs, mais tu as parié. Ah, un pari, ça m'intéresse, je peux en être Non, je crois pas. Non, c'est tout à fait personnel. Ah, tant pis, ça m'aurait amusé. Tu plus à Paris, c'est un sweepstakes. Et maintenant, un bon bain dans la piscine glacée. Rien de tel qu'on en sert une peau de pêche, hein? Dites-moi, monsieur Germaine. Oui, mon ami Léonard. Oui, qu'il a, la galette de mousseline. Justement, il me demandait si vous pourriez l'inviter à visiter votre galerie de tableaux. Eh bien, vous l'amenez à dîner un de ces soirs. Il n'y a rien de plus facile. Ben, c'est ça. Je l'amènerai dîner. Décidément, elle est exquise. Oui, ben ça va bien, ça va. Vous avez vu, monsieur Germaine, la preuve. Alors, Léonard, c'est entendu? Qu'est-ce qui est entendu? Rien, je t'expliquerai. Ça n'est pas dans mes habitudes, mais pour vous, je ferai une exception. Merci. Seulement, je dois vous prévenir tout de suite. Oui. Ma femme ne porte jamais de chapeau. Allez, 1, 2, 3. Mais qu'est-ce qu'il a? Eh ben, ça y est, il t'invite à dîner. Et alors? En fait, tu te rends compte, mais il t'invite. Mais ne me secoue pas comme ça, mais je m'en contrefous, mais j'irai pas, moi. Comment tu n'iras? Mais si, mais il faut que tu y ailles. Face rose, hein, il faut qu'il y aille. Il faut que tu y ailles. Allez, massez-moi, puis tapez-moi sur la tête, je veux rien entendre. Il y aura des femmes ravissantes. Ah, mais alors là, je t'arrête tout de suite. Je t'ai dit que à partir d'aujourd'hui, je respectais les femmes. Mais je ne vais même pas me déranger pour aller les respecter chez lui. Non, mais écoutez-le. Alors, vous voudriez que j'aille dîner chez ça? Mais qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que vous risquez? Mais j'irai pas, vous m'embêtez à la fin. Et même si tu devais y rencontrer une certaine personne? Elle? Parfaitement. Elle. Il la connaît? Un peu, oui. Quel dommage. Mais très peu, très peu. Oui, il disait tout à l'heure qu'elle venait de temps en temps chez lui, et... N'est-ce pas, Patrose? Mais c'est possible, j'ai rien entendu. Vous croyez que je pourrais la voir? Mais c'est une certitude, n'est-ce pas, Patrose? Mais j'en sais rien, moi! Mais ne bougez pas tout le temps, hein. Je la verrai, tu crois? J'en suis sûr. Je la verrai? Elle? Mais cette femme-là, mais je l'attendrai 20 ans. 20 ans, 20 ans? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu es fou, mais je te donne 3 mois maximum. La voir. La voir. Mais oui, tu pourras lui parler. Oh, oh, oh, oh non, t'es fou, j'oserais jamais. Quoi? Ah non, non. La regarder de loin et mourir. Voilà qui serait magnifique. Sans blague. Lui toucher le bout des doigts et mourir. C'est la chaleur. Mais enfin, quelle idée! Mais Kelly, c'est une femme comme les autres. Allons, voyons, ne dis pas de bêtises, cette femme-là. C'est un ange. Allons. La pureté de cette femme, mais ça crève les yeux. Tiens, je te fous Don Juan et Casanova devant elle. Il tombe à ses genoux en pleurant. C'est à ce point-là, tu crois? La regarder dormir et mourir. Bon, alors 100 balles, j'y suis pour 100 balles et encore sous terre. Il m'a fait peur, cet idiot-là. Mais cette femme-là, mais je la respecterais même si elle ne voulait pas. Allons bon. Oui. Même si elle me disait, Polo, je vous adore. Oui, en admettant qu'elle sache mon nom, bien sûr, eh bien, je lui dirais, chérie, relevez-vous. Vous devez vous tromper, c'est une erreur. Je ne suis pas digne de vous. Dis donc, pas trop si on ne parlait plus de tout ça. Trop tard, mon vieux, trop tard. Permettez, Mario. Et il déchire mes magazines, en plus. Oui. J'espère la voir un jour. Et. Voyez-vous, je suis content de n'avoir jamais aimé. Oh! Non, c'est rien, vous occupez pas de ça. Oh! Oui, hein? Oh! C'est exactement ce que je disais. C'est pas possible. Eh, si. Mais qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, je suis comme vous. Oh, mais c'est pas possible, pas possible. En tout cas, il est inutile de lutter, nous ne serons pas les plus forts, hein? Oh! Mmh. Oh. Colinette! Nicole, réellement! Oh, toi, hein? Moi? Je n'ai pas de leçon en seconde de toi. Bon. Colinette. Mon mari. Je vous demande pardon, je n'ai pas bien entendu votre nom. Léonard. Ah, monsieur Léonard. Ça n'est pas le moment de m'exaspérer. Non? Je fais un effort inouï pour me contenir, mais je ne te conseille pas d'exagérer. Oui, c'est machinal, je suis désolée. Mais tu vas remonter dans ta chambre. J'ai à causer avec monsieur. Je ne remonterai pas dans ma chambre. Ne me pousse pas à bout. Je ne remonterai plus dans ma chambre. Je n'ai plus rien à y faire. Écoute, la situation est déjà assez difficile. Ne la rends pas insupportable. Non, je me rends bien compte que tout ceci n'est pas très agréable. Surtout pour toi. Mais il est trop tard maintenant. J'ai bien peur que tout ceci ne soit arrivé par ma faute en grande partie. Nous nous expliquerons dans un instant. Non, et encore, quand je dis ma faute, je n'en suis pas tellement sûr. J'ai bien peur que madame et moi ne soyons pour rien dans ce qui nous arrive. Je ne vous conseille pas de faire le rigolo en ce moment. Je ne fais pas le rigolo. Laissez. Quel est votre prénom? Paul. Ah. Mais on m'appelle Polo. C'est gentil, Polo. Tu trouves? Non, laissez, Polo, il ne comprend pas. Comment je ne comprends pas? Il ne faut pas lui en vouloir, il ne peut pas comprendre, nous n'y comprenons rien nous-mêmes, alors vous pensez bien que lui... Je suis trop bête, n'est-ce pas? Oh, remonte dans ta chambre, Nicole. Je t'ai déjà dit de nous laisser tranquille. Je t'assure, tu ne peux pas agir de cette façon-là, c'est trop idiot. Excusez-moi, madame... Chaussin. Armand Chaussin. Excusez-moi, madame Chaussin, je m'efforce de ne pas trop parler, en ce moment je me rends très bien compte que je devrais me taire autant que possible, mais... Je ne crois pas que si madame remonte dans sa chambre, la situation s'en trouvera améliorée en quoi que ce soit. Votre opinion ne m'intéresse absolument pas. Ah, pardon. Vous ne comprenez donc pas que nous nous aimons? monsieur et moi. Vous vous aimez? Oui. Mais nous nous aimons comme des fous, n'est-ce pas, Polo? Comme des fous? Oh, je vous en ferai, monsieur... Léonard, Léonard, c'est pas difficile à retenir. Attendez, je dois avoir une carte. Allez-vous-en, monsieur Léonard. Allez-vous-en tout de suite. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, Armande. Monsieur s'en ira quand je le lui permettrai. Bon, bon. Je demande pardon, Lionel. Ce que je fais est très mal, et tu n'as pas mérité une chose pareille. Mais que veux-tu? L'amour. Oh, l'amour! Et ne ricane pas tout le temps comme ça, c'est un peu agaçant. Excuse-moi. Oh! Vous êtes là? Oui, je suis là. Et puis... Rien. C'est cet idiot de Rivière qui m'avait fait une blague. Il m'avait dit que... Enfin... Je suis bien content de voir que c'est pas vrai. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Ça fait rien. Je suis bien content de voir que vous êtes là tous les quatre à bavarder... Bien gentiment. Oui, oui, nous bavardons, oui. Bien gentiment. Quel idiot, ce Rivière! Je me disais aussi que... Parce que... Vous voulez me présenter à madame? Je passe Rose, madame Armande Chaussin. Charmée. J'ai beaucoup entendu parler de vous par mon ami Le Trou. Il vous adore. Vous direz ça, monsieur Rivière. Au moment de votre coqueluche, il ne vivait plus. Cher Le Trou. Charmante soirée. Excellent buffet. Jolie femme. Merci. Pas plus. On pourrait peut-être s'asseoir? Oh oui, asseyons-nous. Vous ne vous asseyez pas, monsieur Charmaine. Non, vous voyez. Bon, eh bien, personne n'a envie de prendre un verre au buffet? Non, personne. Ah. Vous peut-être, Armande? Non, merci. Toi peut-être, Polo? Non, non, merci. Non. Bon. Eh bien, moi... Eh bien, moi si. Eh bien, je vous laisse. Hein? À tout à l'heure. Rivière, vous avez vu, j'en suis sûr. Oh, vous m'étonnez, dans le coin où nous étions, je ne crois pas que c'était possible. Et puis quelle importance? Comment quelle importance? Il faudra bien que tout le monde sache. Comment que tout le monde sache? Alors un peu plus tôt ou un peu plus tard. Ah, parce que vous voulez que tout le monde sache? Bien sûr. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu dis? Mais je suis fière de mon amour, je ne veux pas en rougir comme d'une faute. Qu'est-ce que tu dis? Mais je dis que tout est fini entre nous, mon pauvre Lionel. Non, mais elle est folle, mais vous l'avez rendue folle? Je vous demande pardon. Comment tout est fini? Je ne comprends même pas que tu en doutes. De quelle femme me crois-tu donc? J'embrasse monsieur, et quand tu arrives et que tu n'es pas content, j'en monte gentiment dans ma chambre en attendant le prochain monsieur que je pourrai embrasser. Mais évidemment, non. Oh, comprends donc, Lionel. J'étais ta femme, et pourtant j'ai été dans les bras de quelqu'un d'autre. C'est que tout est vraiment fini entre toi et moi. Quoi? Non, j'en suis enchanté, remarquez bien, mais vous allez peut-être un peu vite. Mais c'est pas le baiser qui est grave. C'est que j'ai pu le donner, que j'ai pu accepter de le donner. Ah. Et que rien ne m'est retenu. Ni toi, ni moi, ni le scandale. Le scandale n'est peut-être pas nécessaire. Ne crois pas à du délire, Lionel. Je suis très calme. Ce n'est pas la griserie du baiser qui me fait parler. Ah non. Oh non. Il ne m'a pas fait perdre la tête. C'était un baiser correct, sans plus. Ah, correct? Seulement, j'ai eu le sentiment absolu que monsieur... Non, enfin, je veux dire... Les polos. ...était l'homme de ma vie. Voilà. Tu comprends bien que je n'accepterai jamais que tu sois cocu. Ah non, bah non, moi non plus d'ailleurs. Te cacher, te mentir, toi, tu sais que je ne pourrais pas. Je sais. Alors c'est tout simple. Je te quitte et je pars avec lui. C'est tout simple. Et lui as-tu seulement demandé son avis? Ben, je n'ai pas eu le temps. Ah. Mais il est forcément d'accord. Forcément? Je te répète que c'est le coup de foudre. Je l'ai vu, il m'a regardé. Deux secondes après, j'étais dans ses bras. Il n'en revenait pas. Alors, à moins que tu me crois capable de faire ça avec n'importe qui, avec le premier venu, tu dois bien admettre que c'est le grand amour. Mais tu as fait tromper. Et même si je me suis trompée, tu n'as pas intérêt à rester avec une femme qui peut te refaire ça d'une minute à l'autre. Je voudrais seulement une chose. Demande-lui son avis. Et je vous le demande. Mais je suis extrêmement flatté, naturellement. Très sensible, évidemment. Très honoré. Vraiment. Et vous acceptez? Mais avec plaisir, je l'accepte, bien sûr. Tu le trouves décidé, toi? Ben non, mais nous le prenons un peu au déboté. Ah, oui, ça, j'osais pas le dire. Il ne me connaît pas encore très bien. Ben, non, n'est-ce pas? Il me trouve peut-être folle, lui aussi. Ah non. Un peu enthousiaste, peut-être. Et puis si on devait épouser toutes les femmes qu'on embrasse? Ah, parce que tu crois qu'il va t'épouser? J'en suis sûre. Je vous remercie. Mais pas pour réparer, pas pour se conduire en galant homme. Seulement parce qu'il ne pourra pas accepter de vivre sans moi. Pas plus que je ne pourrais vivre sans lui. Voilà, madame a dit le mot. Les hommes mettent toujours plus de temps que nous à comprendre. En ce moment, il est encore embêté. Mais non, du tout. Mais demain, il sera fou de joie. Mais demain, mais sûrement demain. Tu trouves vraiment qu'il a l'air d'avoir reçu le coup de foudre? Mais non, mais il ne sait pas encore qu'il m'adore, le pauvre chou. Si, seulement je suis un petit peu dépassé par les événements. C'est visible. Il a peut-être peur parce que je me suis laissée embrasser tout de suite. Il me prend peut-être pour une grue. On dit lui que ce n'est pas vrai. Oh, bah, c'est pas à moi de me dire ça, pourquoi? C'est tout à fait inconsciente, non? Oui, tout à fait, c'est merveilleux. D'ailleurs, tout inconsciente que tu sois, tu as vu juste. Tu dois sûrement te mépriser un peu. Ah, parce que c'est un redoutable sceptique, hein? Ah, tant mieux. Oui, il considère que les hommes sont des poupées dont vous vous amusez et que vous rejetez ensuite. Alors tu penses bien, c'est pas toi qui va lui faire penser autrement, non, n'est-ce pas? Des poupées. Mais, je disais ça en général. Mais ça, fais-toi donc raconter l'histoire du savetier, tu te rendras compte. Oui, ben nous n'avons pas le temps. Un de ces soirs. Oui, c'est ça, un de ces soirs. Où allons-nous? Nous ne partons pas tout de suite? Tu vas pas partir ce soir? Si. Mais enfin, il y a une heure à peine, tu parlais avec moi de ce que nous ferions dans 10 ans. Je n'avais encore embrassé personne. Écoute, prends garde, hein. Je suis calme, mais je ne sais pas encore pour combien de temps. Mais qu'espères-tu, ce n'est pas en prolongeant cette explication que tu me feras changer d'avis? Je pars avec monsieur. Ni lui, ni toi n'êtes encore parti. Pourquoi prolonges-tu cette scène qui te fait du mal? Enfin, bon Dieu, tu ne connais pas cet homme-là. Non. C'est peut-être le dernier des voyous. Merci. Je l'aimerais quand même. D'ailleurs, je suis sûr qu'il n'a pas le sou. Oh! Quelle réflexion vulgaire! Tu es trop insolente, vraiment! Que veux-tu, j'entends cette réflexion vulgaire? Non, peut-être pas vulgaire, mais un peu facile. Oui, bah, vulgaire ou pas, je te dis que cet homme-là n'a pas le sou. Oui, en effet, je n'ai pas la situation que je mérite, tu te vois? T'avais tout ce que tu voulais ici. J'aurai tout ce qu'il voudra. Ah, bah, il pourra pas vouloir grand-chose, tu penses, un type qui fabrique des chapeaux? Vous fabriquez des chapeaux? Oh, ça c'est amusant! Vous faites des melons, par exemple? Oh, ben vous aussi! Mais quelle drôle d'idée! Chapeau de femme, probablement. Oui, je suis chez Pauline. Pauline et Pauline, vous connaissez? Oh, bien sûr, je vois déjà ce que vous ferez pour moi. Ah, vous n'en portez pas. Je porterai les vôtres. Combien gagnez-vous par mois? 3 000? En principe, oui. Mais avec les commissions, je vais bien chercher dans les 4 000-5 000. Même pas ce que je te donnais pour ton argent de poche. Mais ne parle donc pas tout le temps d'argent. Je te parle de ce que j'ai. Je me défends avec mes armes. Je trouve ça plutôt gentil. Nous nous débrouillerons, n'est-ce pas? Oui, je sais pas comment, mais nous nous débrouillons. Débrouillons. Oui, cette fin de mois, ça sera peut-être un peu difficile parce que nous sommes déjà le 20 et comme je pouvais pas prévoir. Non, mais ça ne fait rien. Non, ça rien du tout. Non, mais c'est pas possible, hein. Mais enfin, c'est pas vrai, tu ne vas pas renoncer à ma fortune pour un caprice. J'y renonce. Voilà tes bijoux. Vous avez de quoi payer un taxi? Ah oui, ça, oui. C'est l'essentiel. Non, mais. Vous vous reconnaissez le droit de lui offrir votre purée en échange de mes millions? Oh, bah moi, vous savez... Ah oui, vous, bien sûr, vous êtes dépassé par les événements, ça vous suffit. Non, seulement je suis dans une situation un peu difficile. Oh, c'est pas très difficile d'être aimé. Oh, hein. Bah à ce point-là, si, surtout quand on s'y attend pas. Vous préféreriez être à ma place? Ah non, la question n'est pas là. Mais je ne veux pas intervenir. Parce que si je ne peux pas devant vous insister pour que madame s'enfuit avec moi, non mais uniquement par tact élémentaire, je ne peux pas non plus oublier qu'elle renonce à tout pour me suivre. Ça serait bien mal reconnaître un geste que rien ne m'empêchera de trouver très joli. Merci. Vous vous congratulerez plus tard. Oh, puis alors, Lionel, je demande pardon, c'est pour les 200 francs. Quels 200 francs? Bah, ceux que j'ai perdus hier, je les ai pas retrouvés. Ne me demande pas pardon pour ça. Oh, bah si, 200 francs, c'est quand même 200 francs. Pas pour moi et pas en ce moment. Mais si, c'est ennuyeux que je fasse ça en plus. Ne m'énerve pas. Je les ai retrouvés. Je sais où? Dans mes souliers. Oh, ils auraient pu être dans vos souliers. Mais oui, quand je n'ai pas de sac, c'est là que je les range. Ah, tu ne les avais pas rangés. Ah non? Où étaient-ils alors? Par terre. Oh, tout de même par terre. Ils calaient les pieds de la table de bridge. Oui, excuse-moi, on n'avait rien d'autre. Vraiment? Non, il calait très bien, il était juste à la hauteur. Elle est exquise, hein? Exquise. Ah, ben, je suis très contente que cette chose-là soit arrangée. Ah, oui. Ah, parce que tu pars toujours. Ah oui, ça oui. Ça, c'est pas arrangé. Bah, non, tu ne vas même pas réfléchir un peu? Je te reconnais bien là. Après tout ce que je vous ai dit, tu viens me conseiller de réfléchir. Ah oui, tout de même. Mais de quoi te plains-tu, toi? Tu devrais être contente de ce qui arrive. Moi? Bah oui, toi, elle est amoureuse de Lionel. Oh, vraiment? Mais alors, folle gâteuse, elle a tout fait pour me l'enlever. Oui, bon, bah écoute, c'est pas le moment. Oui, elle me l'a même demandé. Elle prétendait que je ne l'aimais pas vraiment. Elle avait peut-être pas tort. Colinette! Ça me révoltait en ce temps-là. Je ne vous avais pas encore rencontrée. Elle a insisté pendant 2 heures. Alors, moi, je lui donnais des idées, je lui en proposais d'autres. Non, c'était Lionel qu'elle voulait. Hein? Dis le contraire. La question n'est pas là. Oui, en effet, là, je crois que nous nous égarons. Bon, je vous préviens, je ne ferai pas les frais de vos petites explications conjugales. Voilà un quart d'heure que j'essaye d'arranger les choses, de mettre un peu de lien, et c'est moi qui trinque, finalement. Alors, débrouillez-vous sans moi, si vous le pouvez. Bonsoir. Je vais raconter ça à ta mère. Oh, zut. Maman. Je n'ai pas pensé à maman. Moi non plus. Ah, j'avais tort, d'ailleurs, parce que c'est peut-être le seul bon côté de la chose. Je t'en prie, Lionel. Oh, la tête, oh, la tête qu'elle va faire. Oh, je regrette de manquer ça, alors. Elle va faire la tête? Ah oui, ça, je m'entends vous prévenir que vos 3000 francs par mois ne font pas du tout son compte, hein. Ah non? Ah non, et si vous voulez vous faire pardonner, il faudra vraiment lui faire beaucoup de chapeaux. Oh, bah, je suis bien contente de te voir rire. Oh, bah oui, c'est tellement mieux de vous voir. Alors, tu es raisonnable maintenant. Raisonnable? Oui, tu te rends compte qu'on ne peut pas lutter contre l'inévitable? Moi, pas du tout. Tu vas encore me demander de rester? Mais certainement. Lionel, a tellement de dignité. Oh, bah, tu sais, la dignité en ce moment... Ah oui, oui, là, il a raison, en ce moment, la dignité. Oui, tu ne me crois pas. Je vois bien, tu ne me crois pas. Non. C'est trop brusque pour toi, trop inattendu. Voilà, toi, tu as dit le mot. Alors, si je t'avais préparé en te mentant adroitement pendant un mois ou deux, tu aurais peut-être pu t'habituer à cette idée. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'en ce moment, je ne m'y habitue pas. Ah oui, je vois bien. Je vous dois une explication. Peut-être. Aussi bien à lui qu'à toi. À votre disposition. Ça, je vous lance dans une aventure à laquelle vous ne devez rien comprendre. Rien, hein? Et lui, encore moins que toi. Pourquoi moi? Et moi, encore moins que lui. Nous ne comprendrons pas mieux après mon explication. Mais au moins, nous saurons à quoi nous en tenir. Je t'écoute. Lionel, tu me connais depuis l'enfance. Toi, tu sais que je suis honnête et que ce qui arrive ce soir est tout à fait nouveau. Tout à fait. Depuis 2 ans que nous sommes mariés, tu n'as pas eu à me reprocher la plus petite coquetterie. Droite et claire comme une épée, tu disais. Où veux-tu en venir? À ceci. J'étais dans un coin du salon tout à l'heure. Monsieur entre. Il fait haut. Quelqu'un, je ne sais plus qui, Rivière, je crois, nous présente. Et je n'ai plus rien entendu. J'avais dans les oreilles un bruit de cloche. J'ai dû rougir, puis pâlir. Et depuis, je n'en sais pas plus vous. Ah. J'espère qu'il ne s'y est pas trompé. Qu'il me voit tel que je suis. Oh, je suis contente qu'il puisse croire qu'en renonçant à ton argent, je lui sacrifie quelque chose. Mais écoute-moi bien, Lionel. Même s'il ne veut pas de moi, même si ce grand amour ne l'a pas touché, je n'ai pas le droit de rester avec toi. Parce que, malheureuse ou pas, c'est lui que j'aimerais toute ma vie. Colinette. Faites ce que vous voudrez tous les deux, moi je ne peux plus rien pour vous. Ça devait arriver. Mais je pensais pas que ce serait si vite. Ça devait arriver. Oui. Tu savais pas que tu t'embêtais avec moi, mais moi je m'en étais aperçu depuis longtemps. Alors j'essayais de te distraire. Je serais peut-être arrivé s'il n'était pas venu. Mon grand. Alors je te reverrai plus. Oh, volontiers. S'il m'y autorise. Nous pourrions redevenir des amis d'enfance. Des amis d'enfance. Je t'ai toujours beaucoup aimé, Lionel. J'ai pour toi une tendresse infinie. Mais je me fous de ta tendresse. J'en ai jamais voulu. Les femmes croient tout payer avec ça. On vous brise le cœur, on vous piétine, mais vous avez droit de la tendresse. Alors de quoi vous plaindriez-vous? Mon pauvre Lionel. Laissez-moi vous regarder, vous. Alors, c'est ça qui donne le coup de foudre? C'est ça qui fait entendre les cloches? Écoutez, je suis très gêné. C'est ça mon malheur, mais il est pas joli. Ah, oh, hein? Écoutez, d'ailleurs, non, c'est pas vrai. T'as pas si mal choisi. Non, non, il y a quelque chose chez ce type-là. Il le sait pas encore parce que nous étions dans une situation impossible, mais il serait peut-être capable de te rendre heureuse. Monsieur, oui, mais ça, non, il n'en est pas question, hein. Ça, je ne le permettrai pas. Ah non, alors ce serait trop simple. Monsieur Samen, il fait haut et moi, je suis foutu. Non, pas foutu. Foutu. Et vous filez le parfait amour pendant que j'agonise. Eh ben non, mes amis, non. J'empoisonnerai votre bonheur. Au moment où vous vous y attendrez le moins, vous me verrez surgir avec ma pauvre gueule. Je sangloterai sous vos fenêtres, je me roulerai sur vos tapis, je ridiculiserai votre amour par le mien. Mon pauvre Lionel. Ah oui, ça t'embête, hein? Bah oui, c'est pas facile hein, de traîner après soi un bonhomme dont on a fait une loque. Mais je ne vous permettrai pas de m'oublier une seconde. Et puis, j'ai de l'argent. Ah! Eh bien, je m'en servirai contre vous. Oh, c'est pas élégant ce que tu dis là. Ah, parce qu'en plus, il faudrait que je sois élégant. Alors on me prend tout, tout ce que j'ai, on me demande de l'élégance. Non, j'ai eu tort. Mais je vous empêcherai d'être heureux, hein? Je vous rendrai grotesque. Je ne crois pas que ça m'amusera, tu sais, pour moi non plus, ce ne sera pas très gai. Mais j'aurai au moins la joie d'avoir crevé votre amour, parce que je le crèverai. Tu souffres, mon pauvre Lionel. Je souffre. Moi, je souffre. Ah! Vous trouvez que je souffre? Je ne me permettrai pas, moi. On dirait que tu respires mal. Oui, c'est tordant. Quand le cœur est atteint, c'est au souffle que ça se voit. Mais tu étais si calme tout à l'heure. Eh bien, c'est fini, le calme, maintenant, fini. Vous voulez du drame? Je ne tiens pas. Eh bien, vous en aurez. D'ailleurs, non, c'est idiot. C'est idiot, mon truc. Non, non. Je n'empoisonnerai pas votre amour avec ça. Vous serez gêné un peu les premiers jours, et puis après, vous vous y habituerez. Et mes soupirs finiraient par vous servir de tzigane, ah non? Oh, de tzigane, de tzigane! Ah non, mais c'est comme mon argent! Tiens, veux-tu me dire à quoi me servira mon argent? Puisque tu l'aimes, je peux même pas espérer lui faire du mal. Mais si, ne vous découragez pas tout de suite! Je vous déteste. Oh, pas pour ce que vous êtes. Pour ce qu'elle fera de vous. Pour le moment, vous n'êtes encore qu'un idiot inoffensif, mais quand elle vous aura aimé... Je crois, oui. Eh bien, sachez-le bien. chaque minute de votre vie, il y aura maintenant quelqu'un dans le monde qui voyera, qui guettera votre premier faux pas, qui vous souhaitera les pires catastrophes. Que voulez-vous ? Je vous haïrai. Ne vous y trompez pas, je vous haïrai. Même si je l'oublie. Même si tu m'oublies ? Maintenant, aimez-vous bien. Aimez-vous de toutes vos forces. Mais commencez tout de suite. Parce que je ne vous laisserai pas beaucoup de temps. Ma chérie. Mon amour. Que tu renonces au luxe, à l'argent, ça m'avait épaté, mais que tu renonces à l'amour de cet homme, ça me bouleverse. Tant mieux. Je te tutoie, hein? Ah oui, mon chéri. Il est merveilleux, ce type. Il me déteste avec une force, une ferveur, une violence. Merveilleux. Oui. Tiens, je vais t'épater. J'ai aimé sa haine. Vraiment? Oui. Je ne croyais plus à la haine. Eh bien, lui, rien ne l'arrêtera plus de me haïr. Même son amour pour toi. C'est un type bien. Il te l'a dit, il me haïra même si tu me quittes. Même si tu lui reviens, même si tu m'oublies. Même si tu meurs. Pourquoi dis-tu ça? Parce qu'il va nous abattre comme des chiens. Et qu'est-ce qui te fait croire ça? Sa dernière phrase. Ah bon? Ça t'ennuie? Oh bon, tu sais, bon, on ne vit qu'une fois, hein. Et encore. Et encore? Du moins, nous, nous aurons vraiment vécu. Un amour intéressant. Court, c'est entendu, court, mais intéressant. Merci. Alors, tu crois qu'il va nous tuer? Peut-être pas moi. Toi, sûrement. Ah, moi, sûrement. Ah oui, moi, n'est-ce pas? Il voudra peut-être me garder. Oui, c'est probable. Mais rien n'est moins sûr. Ah. Je reconnais d'ailleurs qu'il m'avait bien prévenu. Pan, pan, disait-il. Pan, pan? Oui, une balle pour lui. C'est-à-dire pour moi? Oui, oui, une balle pour lui, une balle pour toi. Je le trouvais très drôle. Ah. il a du sang espagnol? Non. Slave, alors? Non plus, ses parents et lui sont de Dijon. Tiens, c'est drôle. Oh, il faut pas lui en vouloir. Hein? Non, il peut souffrir tellement plus qu'un autre. Si tu me voyais quand je souffre... Il préférera peut-être se tuer, remarque bien. T'es optimiste? Mais d'après sa dernière phrase, je ne crois pas. C'était bien nous qu'elle visait. Déjà. Tu t'amuses? Oui, oui, oui, oui, oui, je trouve ça passionnant. Mais tu ne crois peut-être pas à mon histoire de revolver? Ah, si, si. Et alors? Alors? Eh ben, qui nous tue, que veux-tu que je te dise? Tu dis ça parce que tu ne l'en crois pas capable. Oh, si, c'est un homme qui est fou de chagrin, il est capable de tout. De tout. Alors, admettons qu'il aille au bout de son idée. Oui, admettons. Alors? Alors? Eh ben, je m'en fous. Regarde-moi bien, Colinette. Je ne suis pas tellement dépassé par les événements. Et je me rends très bien compte qu'il m'arrive quelque chose d'admirable et d'inespéré. Vraiment? Tu te rends compte? Oui, pas depuis longtemps, c'est entendu. Au début, j'ai eu un peu peur quand je me suis senti emporté par ce torrent. J'avais remarqué. C'est pourquoi j'ai besoin aujourd'hui que tu comprennes. Mon chéri, tu peux compter sur moi. Et je t'aimerai assez pour que tu ne regrettes rien. Et je t'aimerai toujours. Plus un jour. Polio. Le... L'idiot inoffensif que je suis... s'est aperçu que tu l'aimes et il se prépare à en être digne. Bravo! Moi aussi, je t'ai aimé dès le moment que je t'ai vu. Hein? C'était sur un magazine. Oh là là, j'en ai poussé des hauts en te voyant. Depuis ce jour-là, j'aurais donné n'importe quoi pour que tu m'aimes. Malheureusement, crois-tu que les hommes sont bêtes, hein? Quand ce grand bonheur m'est arrivé, j'ai eu un peu peur. Et tu n'as plus peur maintenant? Non, non. Ni du bonheur, ni de moi, ni de personne. Ni de personne. Ah non, si ton mari veut nous tuer à sa guise. Ah oui? Oui, seulement il faut que ça soit maintenant. Au moment du miracle. Au moment où nous nous sommes reconnus. Au moment où notre amour est parfait. Sans concession et sans bavure. Il ne faudrait pas que tout ce danger te monte à la tête. Ah, il ne m'en monte pas à la tête. Je comprends mon devoir, voilà tout. Il s'agit de lancer une pierre dans le ciel. Et qu'elle y reste. C'est toi qui dis ça. Tiens, tiens, Roméo et Juliette. Ils n'étaient pas mal pourtant, hein? Eh bien, ils ne sont pas morts en même temps. Et c'est ce qu'on nous offre, à nous. Et tu hésites? J'aurais bien aimé un amour clair et gai. Un amour heureux? Moi aussi. Mais, tiens, supposons qu'il renonce à son projet et qu'il t'accorde le divorce. Oui, c'est ça, supposons. Supposons qu'il nous laisse notre chance entière. Oui. Qu'allons-nous avoir de si épatant? Des tas de choses. Nous sommes mariés. Oui. Bon, nous nous aimons. Parfait. Parfait. Nous avons peut-être des enfants. Un garçon et une fille, naturellement. Bon, il faut que tu t'occupes d'eux. Oui. Alors je commence à rentrer tard. Pourquoi? Tu me trompes? Oh, je t'aime toujours, mais que veux-tu? La chair est faible. Oh non, je t'en prie, fais pas ça. Oui, bon, je te promets de plus recommencer. Tu me pardonnes, hein? Je suis bien bonne. Oui, oh, tu me pardonnes, mais pas vraiment. Pas du fond du cœur, hein? Tu n'as plus confiance en moi, ma pauvre chérie. Alors tu m'espionnes, hein? Et comme tu m'agaces, je te trompe une seconde fois. Oh, oui, alors là, évidemment, là, tu peux plus me pardonner. Il faut que tu te venges. Et c'est toi qui fais la bêtise à ton tour. Ah non, ça, je t'en supplie, pas moi. Oh, tristement. Avec un dégoût et une lassitude infinie, mais tu le fais quand même. Nous sommes si malheureux que nous pensons à nous tuer. Oh, tu as raison, autant en finir tout de suite. D'autant qu'à ce moment-là, nous ne pouvons plus. Bah, à cause des enfants. Bah non. Oui. Heureusement, ils font des blagues qui nous rapprochent, hein. Ils sont malades, d'abord. Ah, oui. Et malheureusement, en grandissant, Elisabeth... C'est notre fille. Oui, Elisabeth et Alain, qui ressemblent à leur père, commencent à ne plus rentrer pour dîner. Oh, pas Elisabeth. Ah, si. Enfin, nous la marions quand même. Avec un garçon qui ne peut pas nous souffrir. Et Alain nous quitte pour faire sa vie, comme il dit. Déjà? Nous restons seuls. Dieu est cassé par l'âge. Nous pourrions peut-être arriver à un bonheur triste et un peu gris. Mais c'est le moment que choisit l'un de nous deux pour mourir, laissant l'autre se débrouiller avec une existence qui ne veut plus rien dire. Que c'est bête, la vie. Et encore, celle que je t'ai racontée, c'est celle que nous aurons avec beaucoup de chance, si tout va bien. Alors, on ne lui demande pas grâce. Oh, non, alors. Parce que tu sais, s'il ne tire pas tout de suite, je suis sûre de l'attendre. Mais non, qu'il nous assassine, puisque ça l'amuse. Non. Seulement qu'il ne vienne pas nous dire après que c'est pas difficile d'être aimé, hein. Tu ne m'en voudras pas. T'en vouloir? Mais ma chérie, je peux bien donner ma vie pour toi, puisque sans toi, je ne saurais pas quoi en faire. Mon chéri. Et moi qui me croyais blasée. Et moi qui me croyais heureuse. Hein? Crois-tu? Je t'assure, je n'en reviens pas. J'avais une telle amitié pour Lionel. Que veux-tu? Le vent est plus fort que l'air. Promets-moi que nous essaierons de réussir notre vie et d'éviter tous ces malheurs que tu as prévus. Avec Alain et Elisabeth. Je te le promets. Hein, surtout. Promets-moi de faire tout. Tout pour que je ne te trompe jamais. Je te le promets. Que tu es gosse. Tu te regardes m'aimer. Tu es content. Tu t'épanes. Un peu, oui. Attention. Quoi? La porte s'ouvre. Ne regarde pas, c'est lui. Embrasse-moi vite. Et tant mieux s'il nous tue. Parce que c'est court, la vie. Tu m'aimes. Je ne te tromperai jamais. Il est vrai qu'avec lui derrière la porte, je ne m'engage pas à grand-chose. Hein. Mais c'est notre dernier baiser, embrasse-moi mieux que ça. Pardon. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, con? Oh non, écoutez, décidez-vous. Comment, c'est toi? Ben oui, c'est moi. Mais tu peux pas entrer carrément, non? Excusez-moi. C'est assommant, et ce sera comme ça chaque fois qu'on ouvrira la porte. Mais tu dois comprendre, c'est cet imbécile de Passerose. Il vient me raconter que vous êtes tous les quatre en train de bavarder tranquillement. Tu penses que je ne l'ai pas cru? Seulement, j'aimais mieux être sûr. Mais qu'est-ce que tu dis, là? Qu'est-ce que tu dis? Oh, ça, je n'irai pas le raconter, soyez tranquille. Tu peux. Comment? Je peux? Tu peux le raconter à qui tu voudras. N'est-ce pas, Colinette? À qui vous voudrez? Oh ben... À Passerose aussi? Mais t'es idiot, qu'est-ce que tu veux que ça fasse à Passerose? Alors, ben rien. Mais ça, j'ai du tact. Hein? Monsieur Charmen n'en saura rien. C'est lui qui a su le premier. Vraiment? Ah ben ça me fait plaisir. Ah oui? On a les ennuis qu'on mérite. Dis-moi les ennuis que tu as, je te dirai qui tu es. Les choses n'arrivent pas, il y a toujours quelqu'un qui les fait arriver. Mais Et si t'es gâteux, dis-le tout de suite. Non, c'est pas possible, madame. Dites-moi que c'est pas vrai. Quoi? Je viens d'entendre. Vous allez quitter votre mari? Oui. Ah non, c'est pas possible. Je rêve. Pensez-moi. C'est Armande qui vous a raconté ça? Elle ne me l'a pas exactement raconté, mais je l'ai entendu qu'il le disait à un de ses amis. Et bien, elle n'a pas menti. Elle n'en revenait pas. Moi non plus, d'ailleurs. Je regrette. Enfin, vous connaissez Polo depuis 5 minutes à peine. Et alors? Ah ben, et on fait haut, et puis vous lui tombez dans les bras. Dis donc, toi. Ah ben, c'est pas difficile d'être aimé. Encore? On fait haut, et puis ça suffit. Ça suffit. Il n'est parce pas, que c'était lui. Je vous l'accorde. Mais enfin, il n'a rien d'extraordinaire, rien d'étonnant. Il n'a même pas de jolis pieds. Oui, ben ça va bien, maintenant, ça va bien. C'est toi qui l'as dit. Là, tu dis. Oui, je l'ai dit. Eh ben alors. Parce que tu peux nous embêter, toi, avec tes pieds de poule. Quelle opinion voulez-vous que j'ai des femmes maintenant? Mais l'opinion que tu voudras, mon vieux, nous en foutons complètement. Henriette déjà n'est pas si gentille. Alors si vous... Vous... Quelqu'un comme vous? Une femme comme vous? Je l'aime, monsieur Passerose. Vous me paraissez pourtant homme à comprendre ce que c'est que l'amour. Je comprends, mais pas comme ça, pas en 5 minutes. Ah, parce que pour toi, c'est une question de temps? Ah, mais oui! Eh ben, faudra en prendre ton parti, mon pauvre vieux. Puis votre mari va être désespéré. Il nous parlait de vous l'autre jour, au hammam. Ah, il parle de moi, au hammam? C'est un homme qui vous adore. Ah, tu vois? Oui, bah, c'est entendu. Dis donc, ce que tu fais, c'est pas très sportif. Hein. Oh, c'est pas pour les 1000 francs. Je te jure que c'est pas pour les 1000 francs. Quels 1000 francs? Rien. Mais rien, il est idiot. Oui, je suis idiot. Quels 1000 francs? Madame, je vous en prie, réfléchissez, reprenez-vous. Dis donc, toi. Nicole, je voudrais te parler. Ce que j'ai à te dire est très grave. Il ne peut plus rien y avoir de grave pour nous maintenant. N'est-ce pas, Polo? Non. Je viens de rencontrer Lionel. Il est fou. Il va faire un malheur. Je suis prête. Alors non. Tu comprends, non? Je ne te laisserai pas risquer ta vie pour ce petit misérable. Oh, écoutez, madame Chaussin. Tu renonces à tout pour ce garçon que tu ne connais pas. Je vais t'apprendre à le connaître. Sais-tu pourquoi il est venu ce soir? Sais-tu pourquoi il t'a trouvée si belle? Parce que Lionel l'agaçait et qu'il avait parié 1000 francs qu'il le ferait cocu avant 3 mois. Je ne te crois pas. C'est ignoble. Non, mais vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit. Tu ne me crois pas? Demande au petit, c'est lui qui a parié sur ta vertu. Colinette, je te jure. Je vous répète, madame, que vous avez mal entendu ce que j'ai dit. Polo n'a rien à voir dans tout ça, c'est moi qui ai parié avec le petit. Regarde-le, celui-là. Il ne veut pas trahir son petit camarade. Oh, ils n'avoueront plus maintenant. Ils n'iront tous. Ils n'iront jusqu'à la gauche. Avoue qu'il aurait difficile de faire autrement. Enfin, bon Dieu, vous feriez mieux d'écouter un peu mieux quand on vous parle. Je n'ai pas dit Polo a parié, j'ai dit on a parié. Je te jure, j'ai dit on. Ils ont peut-être parié, Colinette, mais je te jure que j'y suis pour rien. Je vous jure que Polo dit la vérité. Vous voulez sauver vos 1000 francs? C'est injuste, madame. Parce que si vous me croyez, je les perds. C'est exact. Mais je veux bien les perdre. Je vous jure que je les perds gaiement. Tout à l'heure, je n'avais pas compris. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il y a entre vous quelque chose de beau, de grand, d'épatant. Vous n'avez pas tout brisé à cause des deux imbéciles que nous sommes. Elle ne m'écoute pas. Colinette, dis, tu ne me crois pas capable d'une chose pareille? C'était trop beau aussi. Trop extraordinaire que nous nous soyons aimés ainsi, tout de suite, en même temps. Mais je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai toujours. Plus un jour. Fini la romance, Polo, je ne te crois plus. Je ne pourrai plus jamais te croire. Mais je ne veux pas, mais tu n'as pas le droit. C'est déjà bien joli que sur les deux, il y en ait eu un de sincère. J'ai été sincère. Oui, au début, quand tu avais peur. Tu avais sincèrement peur, j'en suis sûre. Tu étais content d'avoir gagné ton pari, mais tu devais me trouver quand même un peu trop enthousiaste. Tu devais penser que c'était vraiment trop de bonheur pour 1000 francs. Oh. C'est agréable les folies, mais il ne faut pas que ça dure. Parce que c'est tout de suite la bêtise. Grâce à toi, la mienne n'aura pas duré longtemps. Je vais reprendre ma vie raisonnable d'avant toi. Et puis je vais renoncer à aimer, ça fait trop mal. Je me contenterai d'être aimée. Parce que Lionel a raison. Ça, c'est pas difficile. Tu pourras pas. Et de cette façon, je ne ferai de chagrin à personne. Ni à toi, ni à lui. Qui ne le mérite vraiment pas. Oh, bah lui. N'en parle pas si légèrement. S'il ne m'aimait pas tant, je t'aurais peut-être pardonné ton pari. Seulement, tu comprends, il y a entre vos deux amours un peu trop de différence. Tu ris? Oui. À cause de ce que tu disais. Nous avons bien lancé la pierre dans le ciel. Mais elle nous est retombée sur la tête. Eh bien non. Non, Colinette, je n'accepte pas. Ils ont parié, ben tant pis. Est-ce que ça m'empêchera de t'aimer? De t'aimer vraiment? De t'aimer comme tu voulais? Trop tard, Lionel. Il n'y a plus rien à tuer ici. Bonjour, monsieur.